Selon le journal d'internet sud-coréen La Voix de Séoul, la direction du mouvement chrétien pour la destitution de Bakounine a tenu le 19 devant le siège gouvernemental à Séoul une conférence de presse pour demander la démission du Premier ministre et d'autres mêlés dans les scandales. D'autre part, la solidarité des citadins pour une société démocratique a organisé le 20 courant devant le siège gouvernemental à Séoul une conférence de presse et demandé le départ du Premier ministre qui cherche à continuer le gouvernement de Bakounine, d'après le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple.